apologie du sexe lubrique, incitation à l'orgie. Des deux côtés, je suis pratique, partout à la fois, je suis changeant. J'affectionne cette façade libertine. Dans mes veines, elle coule à flot. C'est ma drogue, ma cocaïne, celle qui déchaîne ma libido. Ces expériences corporelles, j'offre mon corps à loisir, assoiffé des plaisirs charnels, je baigne dans de longs soupirs. Assemblage de chair en chaleur dans un bouillon de jouissance. Seul ou à plusieurs, ces jeux sont ma quintessence.